Je réécoute ta voix, Natacha. Tu m'as laissé nos chansons, mes textes que tu chantais à pleine voix, Natacha. Tu es parti sans même me dire au revoir, Natacha. Je maudis le ciel que je priais. Il m'a abandonné avec toi, Natacha. Mais un jour, tu reviendras chanter l'échangisme avec moi.